Eh les mecs, je suis dans le love, et les mois c'était le coup de foudre. Au point de sécher les cours pour l'insuivre avec beaucoup de foule. Voulu m'affronter comme faire péter les tympans. Elle m'a éloigné de la rue, c'est qu'est tapant. Elle me conseille, me console, me concerne. Même sans concept, nous rassemble tous en concert. Mon cœur bat son rythme, et si je me concerte avec Ron, on concentre nos efforts sur le bronze. C'est pour lui rendre hommage en syndrome. Je suis fou d'elle, c'est ma raison d'être à défaut d'elle. Je m'envoie en l'air au 7ème ciel. Baisse le beat quand la basse c'est lourd, même mon baisse c'est l'essentiel. J'ignore tout du sol beige, mais la comprends quelques notes pour faire mes pièces. Ça roule, mais en ce moment je dispute. Elle fait cocu et travesti pour faire la pute. L'amour n'a pas de prix, hein, faut que je la braque pour pouvoir m'endormir et me lever dans ses bras. Elle représente bien plus qu'un défouloir à mes yeux. Parole d'artiste, mesdames, messieurs, mesdames, mesdames, mesdames. À la manière d'un jazzman, j'étale ma peine sur chaque temps. Comme un rocker, j'étends ma rage en jactant. Gorgé d'amertume comme un vieux vinyle de blues. Ici on fait pas notre musique en baggy mais en blues. En effet, ce sont des expériences. Quand chaque élément chimique s'allie pour l'alchimie, le hip-hop est ma science. Il détruit les barrières de mon enclos. Véritable exutoire, mon encre s'engoule sur une feuille blanche vers 11h du soir. Oh, je compte ma durée de vie en mesure ou en couplet. Et je finirai avec d'innombrables bouches à souffler. La boucle est bouclée, je sonne ton flot comme une grosse caisse. À mon claquer des tapons comme une caisse claire. Laisse faire, laisse-toi emporter par la vibration. C'est du son lourd, mais qui n'empêche pas la lévitation. Perds pas l'invitation, t'es convié à un voyage sur une portée. Entre chaque phrase, je vais t'escorter. Toujours ce vent de révolte qui soutient mes propos. Casse sur mon flow, comme le fantôme d'un rebelle au dreadlock. Parti trop tôt sur un hip-hop ou sur cassette. Mon hip-hop te tripote. Si tu cherches un message caché, faudra lire entre les notes. Entre les notes. Ouais, un étendard montrant ma paix dans ce monde de barbares. Pour autant dans les airs, planant dans des nuages espacés. Liberté infinie sur ces airs que ma vie laisse passer. Un espace sans peureux, c'est un lieu sans bavard. Une place en avare, enfin une vie sans crevard. La musique dans mon échappatoire, dans cet abattoir. Qui depuis une vingtaine d'années m'entoure à se croire dans un parloir. Où la solitude nous consume corps et âme dans un standard. Rien qu'imagine un lieu, un espace, un petit recoin. Où l'égalité forge l'amitié, où la paix est l'engrais de l'amour. Où la rivalité n'est pas d'ennui que de l'entraide. Où la haine se chante, le fusil rangé au fond des ans. Près dingue des biens de chacun, pas de chacal. À l'horizon rien à guetter, la totalité n'est que guetter. Ferme tes paupières, envole-toi sur cette chime harmonieux. Moi c'est comme ça que je la vois, la larme aux yeux. C'est comme ça que je la vis, ma douce utopie. Mon frère Rigéen, comblé de sourires omniprésents. La zizik, un rayon de soleil me libère souvent l'esprit. Et c'est comme ça que je la vis, ma douce utopie. C'est comme ça que je la vis, ma douce utopie. Parole d'artiste, mesdames, mesdames, mesdames.